Hey, monsieur DJ, mets un disque, s'il te plaît. Je voudrais danser avec mon bébé. Non, non, non, pas Billie Jean. Billie Jean n'est pas mon amoureuse. C'est juste une fille qui pense que je suis celui qui est né. Né pour être vivant. Né pour être vivant. Au dernier Noël, je t'ai donné mon cœur, mais le très dernier jour, tu l'as jeté au loin. Tu pourrais pourtant sonner ma cloche. Sonner ma cloche. Jeune homme, m'écoutes-tu? J'ai dit jeune homme, qu'est-ce que tu veux être? Oui, j'ai dit jeune homme, tu peux réaliser tes rêves. Mais tu dois savoir cette chose, pas un homme ne fait ça tout seul. J'ai dit, jeune homme, mets ta fierté de côté et va juste là-bas, à l'auberge de jeunesse. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ils peuvent t'aider. C'est drôle de rester à l'auberge de jeunesse. Alors viens, bébé, fais la locomotive. Elle est folle comme une imbécile. Et qu'en est-il en ce qui concerne Papa Cool? Sais-tu que l'autre soir, un DJ a sauvé ma vie? Pour la première fois, garçon, garçon, garçon, prêt pour un peu de bon temps? Hausse le volume, hausse le volume, hausse le volume, hausse le volume, danse, danse. I like it.